Ainsi, à ce moment où nous sommes, il y a, au milieu de vous, au milieu de nous, habitants de cet archipel, un homme qui, dans cet avenir plein d'heures obscures pour tous les autres hommes, voit distinctement sa dernière heure. En cet instant, dans cette minute où nous respirons librement, où nous allons et venons, où nous parlons et sourions, il y a, à quelques pas de nous, et le cœur se serre en y songeant, il y a dans une geôle, sur un grabat de prison, un homme, un misérable homme frissonnant, qui vit, l'œil fixé sur un jour de ce mois, sur le 27 janvier, spectre qui grandit et qui approche. Le 27 janvier, masqué pour nous tous, comme tous les autres jours qui nous attendent, ne montre qu'à cet homme son visage, la face sinistre de la mort. Guernesier, Tabner est condamné à mort. En présence du texte des codes, votre magistrature a fait son devoir. Elle a rempli, pour me servir des propres termes du chef magistrat, son obligation. Mais, prenez garde, ceci est le talion. Tu as tué, tu seras tué. Devant la loi humaine, c'est juste. Devant la loi divine, c'est redoutable. Peuple de Guernesey, rien n'est petit quand il s'agit de l'inviolabilité humaine. Le monde civilisé vous demande la vie de cet homme.